Et bienvenue à vous dans notre nouvelle émission Dr Disco et Mr Funk. Moi, je suis Fred et on va passer un petit moment ensemble. Des soucis, des tracas, des angoisses, j'ai ce qu'il vous faut avec SOS Band. Prenez votre temps, comme le dit si bien le titre de cette découverte, Take Your Time. Le nom du groupe ne doit rien du tout à un signal de détresse, mais surtout l'acronyme de Sound of Success. Leur chanson est extraite de leur premier album sorti en 1980 et elle se classera numéro 3 aux USA. L'émotion et l'autorité contenues dans la voix de Mary Davis, la chanteuse, y sont pour beaucoup dans le succès de ce classique. Allez, tout de suite, on écoute la découverte. Let's do it. Fadjet, c'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Et ben, comme le titre nous disait, on va bien prendre son temps aujourd'hui. Donc on va passer aussi à la double dose. Donc aujourd'hui, la double dose, qu'est-ce que je vous ai choisi? Et ben, je vous ai choisi France Jolie. France Jolie, et ben, c'est pas du tout une pub pour une agence de voyage. Non, c'est celui d'une artiste québécoise. France, elle commence sa carrière à 16 ans. Son premier album sort à la fin de l'été 1979. Son premier 45 tours est directement propulsé numéro 1 en septembre et c'est Come To Me, tube disco pensé pour les discothèques. Alors c'est pour dire qu'outre-Atlantique, elle est considérée comme une star parce qu'on n'a pas hésité à faire appel à elle, au pied levé, pour remplacer Donna Summer lors d'un concert à Fire Island en 79. Second album, second succès avec Gonna Get Over You. Le titre aura droit à une version espagnole. Et au sommet de sa gloire, France Jolie fait la première partie des Commodores, rien que ça, lors d'un concert par contre, à New York. La suite de sa carrière sera moins fastueuse. En 1983, elle va signer chez Epic et elle sortira deux albums qui passeront relativement inaperçus. Alors maintenant, ben, on va dire qu'elle vivote, elle réenregistre ses titres en diverses versions. Alors on va écouter Gonna Get Over You et Come To Me. C'est parti pour France Jolie. Thank you. Dr Disco et Mr Funk sur Fadjet. Faire une confidence, Come to Me, c'est une de mes chansons préférées. Alors ce que je vous propose, c'est qu'en fin de saison, on fera un numéro spécial best-of de mes coups de cœur, on va dire. Alors vous êtes quand même gâtés, parce que sur 3 chansons, 2 maxi, et bien on dit comme toujours, jamais 2 sans 3, donc là on va passer au maxi du jour. Maxi du jour, bien sûr, Oliver Cheatham qui va vous l'offrir. Son Get Down Saturday Night a fait trembler bon nombre de dancefloors. La chanson, elle paraît en 1983 et il en existe plus d'une quinzaine de versions, dont la dernière, elle est sortie en 2005. Il a fait d'autres titres aussi qui sont aussi connus comme SOS et Celebrate, mais bah, c'est un peu comme Patrick Hernandez. On retient qu'un seul titre de sa discographie. C'est bien dommage, mais promis, juré, lors d'une prochaine émission, on en découvrira un ou deux autres. En 2003, Make Love est une reprise de Get Down Saturday Night, et ça se classe numéro 1 durant 4 semaines en Angleterre. Malheureusement, l'artiste il est décédé en 2013 à l'âge de 65 ans. On va l'écouter, mais je voudrais la dédicacer à mon collègue Le Gax en souvenir de nos conversations funky. C'est parti! Saturday night. Le samedi, c'est Apéro Disco sur Fadjet. Ouh, ça dépote, hein. Donc maintenant, il est temps de passer à notre moment Cocorico. Alors aujourd'hui, c'est Ron. Son aventure musicale commence par un formidable coup de chance. Il décide de produire lui-même son premier disque, Love in C Minor. Le numéro dure 15 minutes. Bah, bien sûr, c'est trop long pour les radios et ils vont refuser de le diffuser. Alors en plus, pour pas aider, la pochette, elle représente le chanteur en train de poser à côté d'une femme nue. Imaginez un peu le scandale. Les magasins de disques, ils veulent pas trop le mettre en vitrine, on va dire, et le disque va rester confidentiel. En 1976, un employé envoie par hasard un carton plein du titre à New York, et ce dernier, il va plaire immédiatement aux DJ qui vont en faire un véritable tube. Supernature sort en 1977. Alors c'est une histoire un peu bizarre d'un monde peuplé de créatures fantastiques. La voix et la façon aussi de chanter de Kay Garner amplifient le caractère mystérieux avec un côté androgyne, un peu à la Grace Jones et à la Amanda Lear. Oh, j'ai du mal. Le tube se classe immédiatement numéro 1 et va devenir une légende. Ensuite, c'est Give Me Love. Et ça, Give Me Love, on va l'écouter. On va l'écouter quand ? Eh ben, c'est maintenant. We'll be right back. Fadjet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. On va laisser la parole au Mr. Funk maintenant, parce que ça va être le moment de la pépite. Et la pépite, c'est qui ? C'est Prince. Le titre que j'ai choisi aujourd'hui, c'est I Wanna Be Your Lover, extrait de son second album paru en 1979. Ça fait quand même un bout de temps que le titre n'a pas été diffusé à la radio. Donc je vous propose de le découvrir. Entre parenthèses, ce fut le premier numéro 1 de l'artiste. Le 45 tours, il est resté quand même 23 semaines au classement des meilleures ventes de l'époque. Prince, c'est quand ? Eh ben, c'est maintenant. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, c'est la fin de l'émission. Je vais vous dire à samedi prochain, sur Fadjet, même heure, même fréquence radio, on va dire. Portez-vous bien, ayez du gain aussi, tant qu'à faire. Soyez funky et bye bye.